Chapitre 2e. À peine débarqué, Adrien se dirige vers le quartier populeux situé derrière la mairie, en dessous du panier. En entendant les conversations, il apprend que Gastounet, l'ancien président d'Oumergamore, perd son âme. Il entre chez un coiffeur. « Peu cher !» s'écrie le Merlan. « Il y a du boulot, là !» Adrien se fait d'abord raser la barbe et ne garde qu'une fine moustache. Le coiffeur lui plaque ses cheveux bras en arrière à la Rudolph Valentino avec force gomina. Il passe ensuite dans un petit hammam où un Sénégalais brillant de sueur l'étrille avec bonne humeur. Enfin, il entre chez un fripier, un juif séfarade d'une 60aine d'années, petit et chauve, à la voix douce et conciliante. Il fait l'acquisition d'un tricot à la Marcel qui moule son torse musculeux, sculpté à coups de hache dans les troncs, d'une casquette de toile blanche, d'une chemisette coloniale en lin, au large col ouvert, et d'un pantalon bleu marine en toile qui monte haut sur les hanches. Ainsi vêtu, on le dirait tout droit sorti du film « Titane de Marseille ». Sur le total de 40 francs qu'il donne au fripier, celui-ci lui en rend 10. Adrien compte sa monnaie, levant les sourcils de surprise. Avec un sourire complice, le fripier lui murmure « Ça va pas être facile pour toi, alors je t'aide un peu. Tu crois que j'ai pas compris d'où tu venais ? Et tiens, je te fais cadeau d'une paire d'espadrilles. Moi aussi, tu sais, j'en ai bavé. » « Merci, c'est gentil, je vous laisse mes hardes. Ça pourrait servir un type qui n'a rien à se mettre. » Le climat de la Guyane a buriné, c'est très régulier. Ses yeux gris lui donnent un charme auquel les femmes qu'il croise sur le quai ne sont pas insensibles. Au bord de l'eau, devant la mairie, les poissonnières vantent leurs marchandises. « Moins cher, tu peux trouver, mon beau. Plus frais, c'est pas possible. Belle, belle, ma sardine. Elle est tellement fraîche qu'elle va venir à pied à ta maison. » En arrière-plan, les pointus se balancent mollement au gré du clapotis. Par la Canebière et le boulevard d'Athènes, Adrien monte vers la gare. Il croise une foule dans laquelle tous les uniformes de l'armée sont représentés. Marins, légionnaires, spahis, zouaves, tirailleurs. Tout un petit monde en goguette et en recherche de bonne fortune. À la gare, plus de trains pour Aix-en-Provence. Les quais sont encombrés par les billets populaires de congés annuels ou billets à la grange qui permettent aux petites gens de partir en vacances. Craignant la foule, Adrien se rabat finalement sur le tramway. Alors commence un voyage poussif où les fesses vivent au rythme des soubresauts des essieux, à la vitesse moyenne de 15 km à l'heure. Arrivé à Septem-les-Vallons, une panne de courant immobilise l'arabe. Le tramway repart ensuite, tel un gros criquet rouge aux longues antennes, toujours dans les mêmes tressautements. Enfin, une heure plus tard, on arrive au terminus d'Aix, en haut du cours Mirabeau, place Fourbin, juste devant le café Laidet. Adrien redescend le cours, ou pour aller plus vite, il slalome au milieu de la chaussée entre les rares voitures et les fontaines pour prendre la navette d'Avignon à la rotonde. Il n'attend que quelques minutes le quart, un magnifique verlier, ivoire et vert, au museau écrasé encadré de deux phares qui louchent. Dans l'autocar, quelques femmes ont remarqué cet homme au physique de cinéma. Soudain, Adrien sent couler dans ses veines un fiel de haine brûlant. Il vient de reconnaître un paysan borné qu'il a autrefois hué. N'y tenant plus, il se lève et va se planter nez à nez devant lui. Il l'empoigne par le revers de sa veste et le secoue violemment. « Alors, fumier, vas-y, crache-moi dessus maintenant que je n'ai pas les bras attachés. Vas-y, fais-moi plaisir, que j'écrase ta sale gueule !» L'autre est tellement surpris qu'il reste muet. Ce paysan a trempé dans plusieurs affaires louches et il ne peut relier ce visage qui vocifère à aucune d'entre elles. Néanmoins, il se doute bien que cette colère doit être méritée et fait le mort. Brossard continue à le secouer. Le chauffeur lui crie « Monsieur, s'il vous plaît, allez vous asseoir, vous réglerez vos comptes à l'arrivée. » Calmé, Brossard va se rasseoir. Les autres voyageurs n'osent pas lever les yeux sur lui de peur d'être pris aussi à partie. Arrivé à Saint-Cana, le paysan descend, jugeant plus prudent de prendre le large. Enfin, l'autocar s'arrête devant la porte du Jacquemart à Lambesque. Brossard est collé à son siège. 4 ans se sont écoulés. Une vague d'angoisse l'envahit tout à coup. Il ne sait pas si c'est le souvenir de l'opprobre, la peur du lendemain ou l'émotion de retrouver sa maison qui le paralyse. « Oh, Gary, vous comptez dormir dans mon car ?» lui dit le chauffeur. Adrien s'esquive discrètement, profitant de la nuit qui tombe et se dirige tout droit chez Mireille, qui lui a gardé ses clés et a pris soin de sa maison, dans la petite rue Chapeau Rouge en contrebas de la tour du Jacquemart. « J'ai toujours su que tu étais innocent, » dit-elle en lui ouvrant les bras. Elle a des larmes dans les yeux. Elle avait oublié combien il était beau, son Adrien. Enfin, quand elle pense, mon Adrien, c'est un peu cher, car Brossard n'a jamais été que son voisin. Quand il était arrivé, il y a une quinzaine d'années, frais et moulu de normal, il lui avait tout de suite plu et elle avait cru un signe du destin. Préférant habiter ailleurs qu'à l'école, il s'était installé dans la maison voisine qu'il avait rachetée par la suite. Mireille, le brevet élémentaire en poche, avait suivi une formation d'infirmière. Puis elle était devenue sage-femme. C'était une fille bien bâtie, belle et opiniâtre, qui traçait dans l'existence une route droite, en faisant taire toutes les sollicitations de son âge. Ils avaient tout pour s'accorder et fonder un foyer harmonieux. Malheureusement, Brossard s'était entiché d'une fille de Salon de Provence, aux arguments proéminents mais aux mœurs légères. Adrien avait commis la lourde erreur d'épouser cette fille, et il avait dû déchanter rapidement. « Pour ce soir, tu vas dormir ici, et demain matin, je passerai un petit coup dans ta maison pour la faire propre. Je te ferai le lit et je t'amènerai des provisions. Il faut que je me calme, j'ai failli étrangler ce con de Mestran dans le car. Oh, ça n'aurait pas été une grande perte. Allez, viens, je t'ai gardé de la dope, tu sais, comme tu aimais, avec des rats et des sèbes. » Elle pose la cocotte sur la table, devant l'assiette d'Adrien. Il s'assoit et aussitôt cache son visage dans ses deux mains. Ses épaules sont secouées de sanglots. Se fumait. La lumière de la lampe sur la toile cirée. Tout fait remonter en lui les derniers moments de bonheur qu'il a vécu avant son incarcération. Hey, « Hé, tu ne vas pas pleurer maintenant, mon Adrien. Ça y est, tu es revenu, tu es libre. Tout va reprendre comme avant. Tu ne peux pas me faire de la peine, dis. » Elle lui frotte énergiquement le dos et lui passe la main dans les cheveux, des larmes dans les yeux. De ses mains, il s'essuie le visage en tirant ses joues vers les tempes. « Tu sais, ça me fait du mal et en même temps, je suis heureux. Finalement, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais ça me fait du bien, ma Mireille. Allez, mange. Je ne te demande pas de me raconter, tu le feras plus tard, quand tu en auras envie. » Tout en mastiquant, Adrien réfléchit. « Dis, Mireille, ils savent, les gens, que je suis libérée. » « Oh, pauvre, tu parles. Le chef a répété à qui voulait l'entendre que c'est grâce à lui que tu as été libérée. Tout le village le sait. » « Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens ? » ?»« Ceux qui étaient persuadés que tu étais innocent, ça ne les a pas étonnés. » En revanche, les autres, ils ont fait profil bas. Et ils murmurent que c'est une aubaine qu'un pauvre idiot se soit accusé de tout ce qu'on voulait. En somme, pour eux, tu as de la chance, mais tu n'es pas tout blanc. Les salauds, ils sont indécrottables. Je préférais que ce soit de la méchanceté, mais je crois que ce n'est malheureusement que de la bêtise. Ils n'ont pas grand-chose dans le carafon. Qu'est-ce que tu vas faire? J'irai à l'académie pour voir s'ils comptent me réintégrer. Mais en attendant, je vais voir le maire et lui demander de m'embaucher comme forestier. Maintenant, les arbres, ça me connaît. J'ai fait ça pendant 4 ans. Mireille lui raconte un peu sa vie pendant ces 4 longues années. Elle le met également au courant des nouveautés du village, mais ça n'intéresse guère Adrien, qui vit actuellement dans un autre monde. De temps en temps, il dit à Mireille en secouant la tête, « Si tu savais, si tu savais. » Personne ne peut imaginer dans quelles conditions des hommes peuvent vivre. Le repas fini, Mireille prépare le lit d'Adrien dans une chambre voisine. « Allez, viens te coucher, il faut que tu te reposes. Je n'ai pas de pyjama, mais tu peux dormir en caleçon et tricot de peau, il ne fait pas froid. » Une fois Adrien dans les draps, Mireille vient lui souhaiter bonne nuit avec une bise sur le front. « Ah, pense-t-elle, si je me laissais aller, je te l'enfourcherais. Et... mais ce n'est pas sûr que ça lui plairait, alors. Bonne nuit, Adrien. » Elle rentre dans sa chambre et une fois la lampe éteinte, laisse couler ses larmes. Elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Si c'est de bonheur d'avoir retrouvé l'homme qu'elle aime ou d'amertume, en pensant qu'elle va peut-être devoir encore attendre elle ne sait combien de temps avant qu'il se décide enfin.